Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, oui, oh, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Un numéro forcément un peu particulier pour moi. Adrien, déjà, comment vas-tu? Ça va, j'ai eu une matinée assez frénétique, mais je suis content de me poser et d'être là. T'as speedé à fond. Bah il y a une demi-heure, j'étais intégralement mouillé, mon calbar. Calbar y compris ? C'est vrai que j'étais un personnage de dessin animé, j'ai enlevé mon manteau et j'avais de l'eau dans mes manches. Comme les bottes vraiment, de pluie. Ouais, vraiment ridicule. Là ça va, je suis très content, je suis bien. T'es top. Et donc oui, un peu particulier parce que on a deux invités aujourd'hui, alors ça aurait aucun sens de les présenter, donc j'ai décidé de les présenter via des anecdotes extrêmement précises et étranges sur chacun. Donc ma première invitée est comédienne et chanteuse, et la même année, en 2001, elle a fait deux feats. Un sur la chanson What It Feels For A Girl en feat avec Madonna, et un autre sur une reprise de Manu de Renaud avec Thierry Lhermitte. Quoi ? La même année, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait un feat avec Thierry Lhermitte en 2001 aux Enfoirés. Le quoi? Quoi? Tu t'en souviens pas? Non, elle était pas là. Il y avait un feat, t'as repris Renaud avec Thierry Lhermitte, Julien Clerc et je sais plus. C'est suicidaire ça. Bon, on va monter ça, c'est ça. T'as l'extrait ou non? J'ai l'extrait. Non, aux Enfoirés, t'as chanté. Ah, aux Enfoirés. Eh oui. Pas mal quand même. C'est une belle. C'est super. Peu de gens peuvent le dire. Elle devient du coup la seule personne au monde à avoir collaboré avec ces deux artistes. Bah ouais. Franchement stylé. En tout cas en 2001. Et aux Enfoirés, parce que c'est pas évident. Hein. Bah ouais, non, c'est un vrai travail. Moi une fois j'ai même pas pu chanter. Je suis rentré déguisé en pizzaïolo. je suis sorti. J'ai voulu faire un truc dans un son. Ils m'ont dit non, laisse tomber. On va faire la tournée sans toi mon gros. Ils t'ont réinventé. Ils m'ont filé une chemise à pois. Je me dis, déjà c'est humiliant pour un mec déjà hyper. Je me suis dit, oh, les gars, j'ai pas les Gypsy Kings à moi tout seul. Et ils m'ont sapé vraiment Manitas de Plata. Je suis rentré comme une merde. J'ai fait, ils m'ont dit, ouais. Non, ouais, allez, l'année prochaine, rentre chez toi. Et c'est quand même des gens qui pensent que Mickey Youn chante bien. Donc oui. T'imagines, ouais, si toi, en plus, tu te prends derrière un taquet. Attends, vous avez bien vu, moi, quand je fais des solos, je vide le karaoké. Bon, accessoirement, elle a deux Césars, un prix d'interprétation à Cannes et a sorti quatre albums exceptionnels. Elle est mercredi à l'affiche de Nous les le Roi. C'est une véritable queen. C'est Charlotte Gainsbourg. Bravo! Merci Charlotte. Merci. Ça bonjour. Fait trop plaisir. Notre second invité est comédien, mais lui aussi, vous l'avez entendu si vous avez acheté en 2004 la compile Hit Attitude. Vous avez peut-être reconnu sa voix entre une chanson d'Atomic Kitten et une autre de David Charvet. Ouais, c'est ça. Okay. Un énorme banger à mes yeux. Ouais. Elle reste extrêmement en tête. C'est Prison Collision in Cuso. Ouais, tu chantes bien. Attends, c'est la technologie ça. Bah, j'ai les enfants, je leur ai proposé, ils me disent on comprend pas les paroles. Je dis ouais, ça va. Et Patrick Fury, tu l'entends ou pas? Ouais. Accessoirement, c'est un de nos plus grands acteurs de comédie, capable aussi de nous surprendre dans le drame. Il est mercredi à l'affiche de Nous les Rois, c'est un véritable goat. Mais bien sûr. C'est José Garcia. Merci les gars. Bon, merci d'être venu. Il faut le dire aux gens, hier c'était l'avant-première un peu officielle avec tout le monde. Ouais. Donc moi j'ai dormi 2h30, mais je suis trop content. Ça a baissé d'une demi-heure depuis tout à l'heure. Ouais. Ton temps de sommeil. Mais parce que je suis un mythomane. Tout bonnement. Je mens, H24. Je comprends. Je peux pas m'en empêcher. Comme ça qu'on réussit tout ça. Non, mais c'était trop cool. Et moi j'ai découvert les journées promo parce que vous avez fait une journée promo hier. C'est extrêmement. Vous avez l'habitude. Toi ça va, Charlotte? Ça te fatigue pas trop? Je fatigue en fin de journée, mais ça va. Moi, bon, à partir de 17h, c'est. À un moment, je me suis rendu compte que j'ai fait une réponse je peux dire... sans comprendre ce que je disais. Ouais. J'ai oui. Vraiment fait. Tu sais, j'ai sorti les mots-clés de la promo famille, personnel, Bourgogne. Ouais. T'as joué oui, mais... pyramide en fait. Je vais te dire, là encore, on a eu une promo où les gens posaient des vraies questions parce que le film a une valeur. Enfin, on peut communiquer. Il ouais. Mais quand ça, t'as ouais. Fait juste un truc genre bien, wouhou, juste un machin, les questions, elles nécessitent aucune réponse. C'est alors vraiment, vous... tu ne sais pas. Moi, ouais. C'est pour ça que je suis en roue libre quelquefois parce qu'on m'a posé une question et fait alors. Hein, c'était ça a dû... ouais. Hey, vous êtes bien marré. Oui. Tu dis ouais. Ouais. Il n'y a pas de point d'interrogation dans votre question. Bah non, on est parti. Alors vous criez dans le film à un moment. Ouais, vous criez. Hein, et dis donc, qu'est-ce que vous prenez dans le film, hein? Oh. Et tu dis, bah ouais. Charles, je suis très content parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as une anecdote liée au Floodcast, que tu as découvert le Floodcast dans une très bonne ambiance. Sur une montagne, je faisais une randonnée seule avec mon chien et j'ai décidé d'écouter ton Floodcast. Ouais. Ce que tu connaissais pas. On a fait le film et on voilà, tu connaissais pas. Je découvrais. J'ai beaucoup ri. Sauf que cette marche, cette marche s'est transformée en cauchemar parce que, en t'écoutant, donc ça m'a bousillé ma batterie. Ce qui fait que je me suis retrouvée sous un orage, perdue dans une forêt, sans réseau, et en appelant la police. Avec ma chienne, il y avait des ronces, elle pouvait plus. Fallait que je la porte, elle fait 25 kilos. Oh là là. Et j'ai fini par faire un. D'abord, la police m'a dit je peux rien pour tu vous. Que je fasse. Voilà. Ouais. J'ai fait un screenshot que j'ai envoyé à une amie qui est venue me chercher. Voilà, mais c'était assez cauchemardesque. Cauchemardesque, avec en plus deux gars qui mettent Jacques Chirac dans le casque, histoire de rajouter. De la terreur. Non mais quand tu m'as dit ça, je savais pas qu'il y avait eu les ronces et le chien à porter en plus. Terrifiée, j'ai fait pipi. Ah oui. Enfin pas sur moi mais. Non pourtant. Mais t'as eu raison de préciser. Du coup, t'as une irritation. Un petit détail qui a son importance. C'était en train de partir en article internet, en pure break. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah mais sublime. Mais j'ai continué à t'écouter. Malgré la peur de la mort. C'est ce qui m'a rassuré en fait. Oui, c'est ça. Sachant qu'il y avait quelqu'un qui m'avait raconté, enfin qui m'avait envoyé un message en disant j'étais en train d'écouter le podcast, je marchais dans la rue et je riais tellement que j'ai pas vu qu'il y avait un trou de travaux. Oh. Et je suis tombé dedans. Ah, c'est horrible. Une fille qui est tombée, elle est tombée dans le trou. Alors elle avait rien quoi. Et c'était Ville-Coyote, il faut le dire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sorti, ouais. Il avait sorti un gros pif. Elle est sortie avec une pancarte avec ouch écrit dessus. C'est-à-dire qu'avant de tomber, elle a marché dans l'air comme ça en regardant à droite. Non mais ouais, elle est tombée dans un trou de travaux. Incroyable. Et avant de faire le jeu du podcast, ce qu'on va faire, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où on s'est rencontrés ou pas? Oui. Chacun. Toi, tu te souviens, José? Non, je me souviens du déjeuner qu'on a eu avec Charlotte. Bien sûr. Et la première fois. Où je me suis toujours pas fait rembourser par Apollo. D'ailleurs, où j'avais dit, je prends la note et j'avais fait, oh là, le resto. Ou l'erreur. 6 McDo pendant un an. Ah ouais, là, c'est vraiment. Ça y est, c'est le cinoche là. Je suis dans une autre strate. Oh la vache. Oh merde. Et en plus, c'était pas bon. C'était complètement dur, difficile à digérer. Une cata. Pas du tout mou comme jamais. Ils avaient pas de coca. Ils avaient pas de coca. Ils avaient que du vin rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec des bulles, j'ai rajouté. Ouais, c'est ça. Non, la première fois, je me souviens plus très bien. Petit café. J'étais arrivé un peu dans l'état d'Adrien. Hein. J'étais ruiné de flotte avec toi, José, parce que j'étais venu en vélo. Ouais. Mais y a la chaleur humaine de José. Et du coup, j'étais sec d'un coup. C'est un vrai sèche-cheveux, ce les mec. Les gypsy kings. Ouais, c'est ça. Les mecs qui ont joué de la guitare. Bah, t'étais en pizza yolo là aussi. Ouais, c'est ouais. Ça qui était. J'étais dans la caravane, on jouait tous, on répétait. Le four à pizza, t'as réchauffé finalement. Ouais, c'est ça. Et Charlotte, tu te souviens ou pas? Parce que moi, j'ai une vraie anecdote avec Charlotte. Non, c'était chez moi. C'était chez toi et c'est vraiment. Je l'ai raconté, j'ai fait quelques questions-réponses avec les gens et je le raconte parce que c'est vraiment. Enfin, moi, ça me fait rire. J'arrive, donc moi, j'étais effectivement, comme avec José, un peu stressé. On se connaissait pas, vous aviez lu le scénar, mais c'est la première fois que je vous rencontre. Et de venir chez toi, c'est encore plus stressant. Tu dis, je vais chez quelqu'un, etc. Je sonne, personne ne me répond. Je ressonne dans le doute et tu m'ouvres et tu es en tenue de sport. Ruiné de sueur. Oh, c'est horrible. Non, tu vois. Et tu me dis, ah merde, j'ai complètement oublié. Et donc tu dis, assieds-toi, enchanté, je fonce à la douche. Donc tu fonces te rincer parce que t'as fait. Je dis jamais je fonce à la douche. Non, je l'ai peut-être un peu adapté. T'as dit, je vais enlever toute cette sueur dégueulasse de mon corps. C'était ça ta phrase exacte, Charlotte. Et du coup, je m'assois dans le canapé, tu vas te laver. Et là, à ce moment-là, je suis pris d'une terreur folle en disant, mais si quelqu'un de sa famille rentre, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte à ces gens assis dans le canapé comme ça? Moi, j'avais gardé mon blouson parce que j'étais mal à l'aise. Trempé. Et là, il y a un livreur Amazon qui sort, qui arrive, qui sonne. Toi, tu l'entends pas, ou en tout cas, t'es à la douche. Et là, je sais pas ce que je dois faire. Et j'ai dit, non, mais posez le paquet. Et je me dis, mais pourquoi j'ai répondu mais à cette personne? Pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Et le gars m'a dit, mais ouvrez-moi. Et après, je n'ai plus répondu au gars du coup. J'avais tellement peur. Tu t'es caché sous un meuble. J'étais terrorisé. Donc voilà, c'était la première rencontre. Désolé. Mais je suis pas du tout ta faute. Remarque, à 10 minutes près, tu te faisais prendre pour le livreur. Oui, c'est ça, exactement. Elle arrivait, genre bonjour, ça va? Ouais, mais alors la bouffe? Donc oui, on va faire le jeu du floodcast. Donc à Disneyland, 3 femmes ont été arrêtées pour vol. Elles ont tiré plus de 2000 euros d'affaires. Oh. À votre avis, qu'est-ce qu'elles ont volé? C'est un peu surprenant. C'est dans le gift shop. C'est, alors ouais, c'est à Disney Village. Mais non, t'étais jamais allé à Disney. Ah non, oh la honte, gros nul. J'ai pas le temps moi. Non, donc c'est du genre magasin de souvenirs un peu. Ouais, ou... c'est du merch. D'accord. C'est du déguisement ? Non. Alors, c'est pas du déguisement. C'est pas du déguisement, c'est pas de la peluche. Bah écoute, non, je pense que c'est soit des mugs, soit des. Non, pas des mais t'as mugs. Pas dit des fringues ? C'est pas des fringues, non. Ah. Est-ce que c'est de la, je sais pas, de la fausse monnaie Disney ou un truc comme ça ? Non, je sais pas, y a, ça se trouve, il y a des fausses pièces. La vraie monnaie Disney, je dis, c'est des dollars. Non, mais tu sais, je sais pas, je suis jamais allé, putain. Mais j'ai jamais allé. Non mais peut-être des fausses pièces avec moi je connais par cœur, j'étais là à la création du truc et tout. Je peux vous raconter plein d'anecdotes. Ah, ouais, ouais, t'es en pizza. Parce qu'il y a plein de mecs. Non, il y a plein de mecs qui sont arrivés la première année, ils ont dû gérer beaucoup de trucs de sécurité parce qu'il y a des mecs qui sont arrivés déguisés en Schtroumpf, plein de mecs sont arrivés déguisés en Astérix. Enfin, il y avait plein de mecs qui se mélangeaient au personnage. D'accord. Pour foutre le bordel. Il y a un mec qui est arrivé en parachute déguisé je sais plus en quoi dans un autre truc, il s'est fait larguer, il a réussi à se poser. C'était toi. Non. Ça ressemble à ta tête. Ah, oui, ça ressemble un peu. Un mec en parachute en pizzaïolo. Et alors, la meilleure, c'est un truc, c'est ça, c'est véridique. Michael Jackson qui arrive avec tous ses enfants. Ah, et il dit écoutez, moi, je veux être incognito dans le parc, je veux être déguisé. Alors, le mec lui dit d'accord, vous voulez quoi ? Il dit je vais me déguiser en personnage de la guerre des étoiles. Il fait d'accord. Et les enfants aussi. Il fait d'accord. Mais je veux rentrer dans le parc et être au milieu des gens. Il fait d'accord. Et il dit, mais je veux quand même les gardes du corps. Donc en fait, le mec était. Ah oui, déguisé en mec Choubacca. De la guerre des étoiles. Ouais. Avec tous les enfants, 40 gardes du corps qui faisaient un cercle énorme. Et tout le monde se dit, tiens, qui ça peut être le mec en plein milieu, aussi fin et qui fait. Et qui marche en moonwalk. Et qui marche en moonwalk. Ouais, extrêmement étrange. Ah, c'est fou. Merde. Non, donc c'est ouais. Cool. Ah, attends, c'est pas de la peluche, c'est pas des vêtements. C'est en rapport avec un film ? C'est un peu en rapport avec tout le parc, tous les films Disney. Il s'est barré avec un personnage, un mec dedans, un ticket tac. Ouais, c'est ça. C'est de la bouffe ? C'est pas de la bouffe. D'ailleurs, la bouffe de Disney, quelle catastrophe. Ah bon ? Et c'est moi qui le dis. Oui. Ah oui, merde. Ouais, c'est vous non, il y a des très bons trucs. Y a des, je connais des endroits où après, on voit le train. Toi, t'es la voix de Mouchou, t'as tes entrées, évidemment. Ouais, j'ai créé le truc. J'ai fait même une vanne de merde. Quand il y avait Disney Channel, on a compté jusqu'à 10 et j'ai sorti une bouteille de Chanel. Et les mecs ont fait. Il va revenir. C'est comme les enfoirés, il va pas venir tout de suite. Surtout de se dire, le mec qui a préparé. Et l'année d'après, habillé en schtroumpf. Et là sur se dire que tu t'avais préparé ta vanne à l'avance, genre avec ta petite bouteille de Chanel. Tu fais un bid après. Une énorme bouteille. Non, mais parce que Disney Channel. Déguisé en Zorro. Oui, je sais. Putain. Je vais vous donner un petit indice. Des magazines, des livres, des. Non, je sais pas. C'est grand. C'est ridicule que ça, mais pardon. C'est grand. C'est tout petit. C'est juste qu'elle en a pris. Enfin, elles en ont. Volé des boules de cristal. Bah non. Pas des boules de cristal. Non, c'est pas de la bouffe, on a dit. Bah, des figurines. Non, c'est pas des figurines. Encore plus petit. Plus petit. Pins. Très bonne réponse de Charlotte Gainsbourg. Des pins. 2000 balles. 2000 balles de pins. Ça fait beaucoup de pins, je pense. Ah, remarque à Disney. Ils les empêrent au bruit. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, le pin, c'est à 12 balles. Donc, tu vois, ça va assez vite. Prise en flagrant délit au sein du Disney Village, les trois suspects ont été arrêtés aux alentours de 22h. T'as dit quoi ? Quel drôle de choix de voler ça, quoi. Bah, parce que c'est facile. Et parce que c'est petit, oui, mais qu'est-ce que t'en fous après, quoi ? Bah, tu les revends. T'as énormément de pins, après. Juste un ringard, quoi. Ah, c'est des circuits, ouais, c'est des circuits parallèles. Non, je pense qu'il y a du gros fan Disney où tu peux faire de la thune. Bah après, si c'est des trucs que tu achètes dans le gift shop, c'est pas des trucs rares. Non, mais je crois qu'il y a des trucs qui prennent de la valeur. Enfin, je travaille dessus là avec Charles Villa. Non, avec une moyenne de 12 euros le pins, on peut estimer Villa, entre 150 et 200 pièces ont été récupérées par les autorités lors de l'interpellation des suspects. Ces trois femmes de la même famille sont originaires de Lagny-sur-Marne, à quelques encablures du parc. Est-ce que vous avez déjà volé des trucs ? Même petit, hein. Même plutôt petit, j'espère. José rit nerveusement, il a énormément volé dans sa vie. J'ai tout chouré de A à Z, des trucs les plus gros. Moi, c'est ma spécialité. J'adore voler des. Plus c'est gros, plus c'est énorme. Il a volé deux trucs depuis qu'il est arrivé déjà. Donc. Non, des trucs qui me plaisent bien, mais ça y est, vous les verrez plus tard. Non, j'ai volé des trucs gigantesques. C'était une spécialité. J'aime le fait que tu ne précises pas, genre, on peut pas encore en parler. Non, parce que j'ai toujours peur de la jurisprudence. Ouais, c'est ça. Dans 5 ans, tu peux en parler. Ouais, là, pour le moment. Peut-être. Encore. Je sais plus. Il faut que je me renseigne vraiment sur la jurisprudence. Sur des tournages Non. Sur des tournages ? Ah, pas du tout, non. Non, c'est quand j'étais ado. Ah ouais, quand j'étais ado, j'ai volé, mais tout. Alors, j'ai volé des. La spécialité, c'était des trucs de chantier pour pouvoir faire des rampes de spot. C'est-à-dire que je prenais la batterie et je faisais des rampes de spot après. Enfin, ah oui, d'accord. Ça. Oui. Donc, tous les chantiers, les mecs se vautraient dedans et tout en pleine nuit parce que c'était des lumières qui permettaient d'éclairer dans la nuit. Tu veux pas en parler car tu as tué des gens. Tu as causé la mort de plusieurs personnes. C'est très dangereux. Après, j'ai piqué des énormes rouleaux de machines. Vous savez, à une époque, on faisait le. quand tu passais à la caisse, tu avais un rouleau et tu gardais ton truc. Je piquais les rouleaux parce qu'après, c'est la seule fois que j'ai fait des mathématiques. Je foutais de la poudre dedans. Je faisais des mèches longues pour mettre sur des pétards à mèches que je réattachais pour faire des grosses explosions. En fait, je comprends que tu voulais pas parce qu'à chaque fois, le vol est pour amener un truc pire. Ouais, un incendie. Et après, c'était pour faire sauter le métro Saint-Michel. Ouais, ah, d'accord, Saint-Michel. Bah, oui, je comprends. Et je n'ai jamais réussi. Mais il y a eu beaucoup d'accidents dans la population civile. Toi, Charlotte, t'as piqué des trucs ? Alors, je sais pas si elle m'en voudra. Moi, je faisais le guet. Ah, ok. Ah, ah ouais. Bien, donc, je me mouillais pas, mais on a été arrêtés une fois. Ah ouais, ouais. Ouais. C'était parce à quel âge ? Bah, la BNP en 1942, il y a eu deux morts. Ou pire, il y a 5 ans. C'était à peu près de 9 à 12 ans. D'accord. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Ma belle-mère, que j'aime énormément, qui avait seulement 12 ans de plus que moi, s'occupait de moi quand j'étais chez mon père. Et elle était, m'en veux pas, bambou, un peu kleptomane. Ok. Non, elle va pas t'en vouloir. Pourquoi elle t'en voudrait, franchement? T'as mis un peu devant. Donc ouais, un peu, c'est bon. T'es super, mais oui. Et on s'amusait beaucoup. Ouais, c'est bien. Ah, il y a une conclusion. Un garage avec des meubles. On allait au puce, on rentrait avec des armoires normandes, des trucs. Un peu kleptomane, Charlotte. Oui, un peu, mais on avait quelqu'un d'autre hein, pour transporter les meubles. Ah, ma meuf l'a rassuré. On bossait avec toute une boîte. C'est bien, il y a eu une conclusion d'anecdote un peu hâtive. Au puce, voilà, on s'est amusé. Voilà. Je vais pas dire trop de détails. T'as jamais vu la Disney, toi, t'étais déjà, déjà connu. Bah ouais. T'as déjà fait Disney, Charlotte, toi? Ah oui, plein de fois. Mais j'allais dire, j'aime pas trop. Ah ouais, mais les parcs d'attractions en général, c'est pas trop ton truc? Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut faire des photos. Ah bah oui. Ah oui. Non, mais pas avec les gens. Déguiser, non, j'imagine, parce que tu y vas, bien sûr. Voilà, il faut remercier. Mais si j'allais te dire, tu peux te mettre en photo comme Michael Jackson. Tu peux aller dans le costume de Lilo et Stitch. En Jabba the Hutt, tranquille. Mais t'aimes bien les attractions en sensation forte? Quand j'étais plus jeune, oui, et plus du tout. Ah ouais, genre... Mais plus du tout, du tout. Je déteste maintenant. Ah ouais, ouais. Mais parce que t'as fait celle de trop ou... Non, j'ai peur. Ah oui, tout simplement. tout simplement terrorisé. Ok, très bien. Toi, José, un peu. Toi, c'est... Ah, moi, que de l'adrénaline pure. Mais pas pour de la. Ah bah. Comment? Oui, bah j'adore. Il s'endort dans le Space Mountain, José. C'est autre chose. T'en as un chez toi, on peut dire. T'as un Space Mountain chez toi. D'ailleurs, mon ascenseur, c'est Space Mountain. Oui, t'adores ça. Moi, j'adore ça. Mais en fait, c'est pas le fait de se faire de l'adrénaline, c'est de voir le niveau de sang-froid quand ça commence à chier. C'est ça qui me fait mal. C'est pour ça que j'adore l'aviation, c'est qu'il y a des moments, il y a des moments, c'est chaud, quoi. Ouais. J'ai deux trois fois, je me suis pas des angoisses, mais c'est-à-dire que quand le ciel se rabat comme ça, et que t'es avec un avion qui va à plus de 400 km/h. Pour expliquer aux gens qui ne savent peut-être pas, tu pilotes des avions. C'est vrai que quelquefois, tu te fais des pas des grosses frayeurs, mais des trucs un peu chauds. Une fois, je suis passé entre deux éoliennes comme ça en travers. Ah oui, bon. Mais il fallait que je passe. C'est Tom Cruise. C'est Flagada Jones pour moi. Ouais. Moi j'ai sauté en parachute. Oh, ah. Mais il y a quand? J'avais 19 ans, c'était une idée fixe. Et j'ai très mal sauté. J'étais très légère. Dans l'avion. La voile est arrivée avant. J'étais la dernière à sauter parce qu'on allait du plus lourd au plus léger. Et puis je me suis envolée. Ah ouais, il y a j'ai très mal sauté. Ouais, d'accord. Et Yvan était dans l'avion, il voulait pas sauter, mais il m'a filmé. Donc il y a une preuve. Oh. Et je me suis emmêlée les. Alors, tu sais, c'est le saut à 1000 mètres. Donc le. Ah oui, c'est pas un déclencheur, oui. Et je me suis emmêlée les pieds dans les fils. Oh l'horreur. Écoutez le floodcast, ouais. Non, est-ce qu'on peut te qualifier de malchanceuse? Peut-être un petit peu. Un tout petit peu. Et comment t'as fait? J'ai eu un sang froid de dingue. Oui, bien sûr. Je me suis démêlée très vite. Ah la vache. Pas du tout apprécié le reste. Oui, étrangement. Est-ce que ça t'a fait depuis ou t'as un peu traumatisé? C'est pas depuis ce jour que t'aimes plus les manèges à sensation? Ouais, c'est peut-être. Peut-être qu'il y a eu un petit traumatisme, je veux pas. C'est peut-être lié. C'est possible. Et José, toi, donc je disais tout à l'heure, à Disney, t'as beaucoup fait de voix de dessins animés. Oui. Dont Mouchou, etc. Ouais. C'est un truc que tu kiffes. Là, t'en refais une, prochainement. J'adore. Chez Blue, ouais. Je fais la voix d'un personnage génial avec Ryan Reynolds dans le film de Paramount, là. J'adore ça. C'est un exercice que tu kiffes. Ouais. Ah, j'adore parce qu'en fait, c'est un exercice de doublage où, en fait, les personnages sont comme des enfants. Ouais. Comme c'est des dessins animés, tu te mets dans des états de dingue. Tu vois, le Mouchou, la première fois que j'ai vu passer la première phrase de Mouchou, c'était Eddie Murphy qui le doublait aux États-Unis. putain, c'est un train de marchandises, quoi. Et la vitesse à laquelle il faut parler et changer d'émotion en deux secondes, c'est comme les enfants. Ils font, ah, ils s'éclatent, et tout d'un coup, ils se mettent à pleurer. Donc, je te raconte pas, deux jours de doublage, Oui, parce qu'en plus, en doublage, c'est très resserré, quoi. Tu fais beaucoup du film en très peu de temps. Oui, tu fais ton personnage à fond, voilà, en écoutant le reste. Mais j'adore ça. C'est enfantin, c'est dément. C'est un truc qui pourrait te faire kiffer, toi, Charlotte, ou pas? Oui, mais on m'a jamais rien proposé. Attends, j'ai le bras long. Tu sais quoi? Est-ce que tu peux faire ta bande démo? Salut, c'est Bill du Big Deal. C'est bon. Maintenant, t'as ta bande démo. T'as ta bande démo. C'est une icône dans cette émission. Ouais, tu seras sur TF1. Fait... Tu sais que sur Wikipédia, il y a écrit que t'as fait une voix, donc je pense que c'est faux, sur Max et les Maximons. J'ai fait ça. Ah! Oui, j'étais en Australie, j'ai fait ça. J'aime bien quand on oublie des avec Thierry Lhermitte. Avec Thierry Lhermitte en duo. Non, non, ouais, ça c'était incroyable. Sympathique, c'est incroyable, ouais. Oui. C'est génial. Oui, oui. Tu l'as fait, mais en plus c'est dans la internationale, c'est pas que en France que t'as fait la voix. Oui, je sais plus pourquoi ils m'ont demandé ça, mais jouis. Ouais, voilà. Ça c'était marrant, mais bon. Mais c'est marrant quand les gens proposé, t'as une voix tellement, enfin, tu vois. Bah apparemment non. Ou... Bah non, mais s'il y a des gens qui nous écoutent. Qui après peut-être qu'ils pensent que ça t'intéresserait pas, donc maintenant ils savent. Des fois il y a ça un peu. Des fois j'ai l'impression que les gens. On m'a souvent dit que bah hier on m'a dit que le photographe il m'a dit il croyait que j'étais une chieuse. Et il te l'a dit parce que c'est chouette. Oui, non, il est rentré, il a bouffé tous les câbles qu'il pouvait manger dans la gueule. Il a tout fait. Et dis donc, j'espère que je vous emmerde pas trop. Enfin, le mec, il a commencé tout en négatif. Il dit, ah ben dis donc, je croyais que vous étiez une vraie chieuse. J'ai dit, mais continue comme ça. T'es à deux doigts de la rencontre. T'as bien. Dit ça comme ça. Ouais, mais pourtant, enfin, je suis plutôt sympa. Ah oui, moi, moi je te trouve sympa. Mais oui. Après, bon, mais après, j'étais très très renfermée longtemps. Ouais. Donc, parfois, les timides, on pense qu'ils sont. Bah, enfin, c'est un mauvais. Voilà. Ah, mais attention, Charlotte, parce que là, c'était pas du tout toi qui étais mise en cause. C'est lui qui, nerveusement, a emplâtré tout ce qu'il fallait pas dire. Oui, mais c'était un peu une réputation bizarre. Non, mais t'étais super gauche. Moi, je te rejoins sur être timide. Oui, c'est mal pris. Et même moi, pour tout te dire, hier. Donc on a fait la présentation du film, je suis allé m'asseoir et on m'a dit oh là tu l'as vite bazardé la présentation. Je fais oh merde putain non c'était juste tu sais que c'était juste oh non non mais vu que c'était avant le film elle était moi, très bien je trouve ça toujours dur de parler avant le film parce que tu dis vous l'avez pas vu. C'est ce que je disais à José avant que t'arrives, je disais en fait si je commençais à parler longtemps je pense j'aurais été très ému. Et si tu commences à moitié pleurer sur scène et que les gens voient le film, ils disent bon, fallait pas pleurer pour une telle merde, parce que sans déconner, franchement, t'étais pas obligé de te mettre dans cet état-là. Je trouvais ça un peu difficile, mais je suis d'accord, la timidité ou même tu sais, le fait de pas être très sociable ou être l'introversion, quoi. Oui, très enthousiaste. C'est ça, en promo. Mais quelquefois, quand t'es trop enthousiaste, on se fout de ta gueule aussi en disant bah oui. Tout le temps en train de faire des. Tu vois, c'est. Moi, j'en souffre. Moi, on m'a dit, faut arrêter de dire que t'es pas bien. Faut arrêter de te critiquer, faut arrêter de dire que t'es moche, que tu t'aimes pas. Voilà, on m'a dit, il faut être positif. Oh là là, quel de enfer. De nos jours, c'est un exploit. Hein. Franchement, même moi qui suis très positif. Mais pour une promo, j'étais toute jeune, je sais pas, j'avais 20 ans, 21 ans. C'était une promo aux États-Unis. Il m'avait donné la posture. Il fallait que je sois en avant, que je commence par une phrase courte, après je développe et après je fais une petite conclusion. C'était tellement. Oh la vache. C'était tellement étudié. Oh là là. Bon, j'étais nulle. T'étais française. C'est ça qu'il fallait dire. T'étais française. Un Australien s'est retrouvé pendant 30 heures dans les égouts. À votre avis, qu'a-t-il fait pour se retrouver dans cette situation? Bah, j'ai écouté le Floodcast. Ouais, c'est ça. L'histoire ne le dit malheureusement pas. C'était quand? C'était il y a une semaine. Ah attends, il est. Est-ce que il est arrivé dans les égouts par accident? Non, il avait prévu de le faire. Il est resté coincé par accident. On ne sait pas qu'il allait rester coincé. Ok, d'accord. Donc il est rentré normal, genre il a soulevé une bouche d'égout, il est rentré. C'est une tortue ninja. C'est ce que j'avais demandé. C'était ma prochaine question. Ça, hein, tout simplement. Ça. Il a pris sa pizza, descendu. Il a mangé. Il a vu un pizzaïolo hyper sympa qui lui a dit ils m'ont viré. Ils m'ont viré les enfoirés. Qu'est-ce que tu fais dans les égouts? Les enfoirés, quand tu te fais virer, c'est direct au chiottes. Donc. Ah, faut le dire aux gens, tout cet épisode est une sponsor pour le prochain produit de José, après le Rosé Garcia. Oui, voilà. La pizza Garcia. La José Pizza. Eh oui, sans José pizza, pas de rosé, sans rosé, pas de pizza. Et j'ai déjà le slogan, ça va être moche. Donc oui, il a décidé d'aller dans cette... Mais il est resté coincé, en fait. Il est resté coincé. En plus, en Australie, donc les égouts, ils sont particulièrement chauds. Il doit y avoir des alligators, je pense. Bah, il y a des alligators, des araignées de 15 mètres. Oui, je pense que c'est quelque chose. Des mambas. Oui. Mambas noirs, c'est magnifique, ça. On le voit pas venir, on s'endort. Dans les égouts, ouais. Bah ouais, 30 heures. Non, je pense pas qu'il dormait. 30 heures, oui. 30 heures. 30 heures. Bah, 30 il essaie de. Et donc, qu'est-ce qu'on doit trouver exactement? Pourquoi il est resté coincé? Ouais, pourquoi il est arrivé ici? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est coincé? Est-ce qu'il est rentré avec une voiture? Pourquoi il est arrivé? Est-ce que c'est comme aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une espèce de sortie gigantesque où tu peux entrer en voiture dedans? Non. Ah non, non, non. Pas non, du non, tout. Non. C'est est-ce qu'il se baignait quelque part et il a été aspiré par un truc ou je sais pas? Non. Un silure. Qu'il a recraché dans les égouts. Les mecs complètement tordus. Est-ce qu'il avait du mal à rentrer déjà au départ? Alors, l'histoire. Attends, je vais regarder, mais est-ce qu'il est... Non, c'était pas si simple de rester, de rentrer, effectivement. Donc il avait vraiment envie d'aller là-dedans, quoi. Oui, donc il a... Ah. Donc il faut trouver sa motivation pour exactement. Aller dans les égouts. D'accord. Exactement. Ah. Ok. Pardon, j'ai pas. Il a perdu un truc aux chiottes. Non, il a rien perdu aux chiottes. Est-ce que c'était pour une vidéo YouTube ou un truc comme ça? Non, il se pas, filmait pas de challenge, pas de. Est-ce que c'est un monsieur d'un certain poids? Non, non, non, non. Enfin, peut-être, mais en tout cas, ça ne rentre pas en jeu dans le pourquoi il est arrivé ici. Est-ce que c'était pour faire une blague à quelqu'un? Non, un prank. Ressortir par les chiottes ou j'en sais rien. J'ai faim, enfin, moi. Coucou. Oh, mon Dieu. Arrête. Est-ce qu'il voulait prendre un raccourci, tout simplement? Non, non, non, non. Non. Non. Faire des photos? Pas des photos. Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce qu'il devait travailler non, dans les justement, dans les pas égouts? Du tout. Ah, non, non, non, vraiment, il n'aurait pas... Enfin, ça n'a. C'est une très mauvaise idée. Quelqu'un qui avait lu l'énorme coup qu'a fait le mec qui a attaqué les égouts du paradis. Ah, je connais pas. Tu connais pas non. Ça ah, bah, c'est pas Jarry, le mec qui a volé à Nice par les égouts. Jarry, l'humoriste. Non, c'est pas Jarry. qui a volé une banque. Ah oui, sans armes ni violence. Violence le film avec ça. Jean-Paul. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, non, non. Mais par contre, tu t'approches un petit peu. Ah, c'était quand même, il y avait une pour rentrer quelque part. C'était pas pour rentrer, mais on est autour. Ah, il s'échappait de quelque part. Ah, d'une c'est prison. Pas loin, c'est pas loin. D'une prison ? Non, il s'est caché en fait. Voilà, en fait, il fuyait la police. Ok. Tout simplement. Un passant, James Lingwood, a prévenu la police lundi qu'un homme était coincé dans un égout de la ville australienne de Brisbane. Ah, donc dernier... quelqu'un a appelé les flics. Donc pour fuir les flics, ils ont dit. Rappelez les flics pour bah, dire, c'est bah, ça, y a un mec là. Un peu. Ce dernier était bloqué depuis 30 heures et l'opération de sauvetage a été assez rapide. Mais l'homme a d'abord déclaré aux passants autorités qu'il était entré dans l'égout pour récupérer son téléphone. Bah, je l'ai fait tomber, je suis allé dans les égouts. Normal. Ça arrive. Ce que j'aurais fait, moi. Mais la police du Queensland a vite compris que c'était un subterfuge, bien sûr. Il y était en fait caché pour fuir les forces de l'ordre. Après avoir été impliqué dans deux accidents de voiture, il avait d'abord percuté un véhicule de police, puis une autre voiture dont le conducteur avait été un peu blessé. Quelques instants plus tard, le suspect serait donc sorti brusquement de sa voiture et aurait quitté les lieux appelés avant de se réfugier. Dans les égouts. Dans les égouts. Une. Très mauvaise idée. Si un très bon dire. Plan. C'est pas mal parce qu'il se passe pas grand chose à Brisbane. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est... Bah, il a fait. Ouais, à Canberra, à Canberra, beaucoup plus. Ouais. Oui, y a rien de plus chiant que Canberra. J'ai jamais vu une ville aussi chiante. C'est où Canberra déjà? Bah, c'est la capitale. C'est la capitale de l'Australie. De l'Australie. Je suis nul en géo. Ah oui, mais sans déconner, si tu vas là-bas, tu comprendras que c'est pas la peine non plus d'en faire un plat. Hein. C'est vraiment la ville administrative, c'est terrible. C'est, ah ouais? Ah, c'est moche. En plus, les mecs ont des shorts très très courts. C'est toujours un peu vicelard d'avoir un gamin qui habille. Un mec qui arrive d'un certain âge avec un short très très court comme un scout et qui demande tes papiers avec beaucoup de déférence. Et tu dis, tes papiers de quoi, petit bonhomme? J'ai envie de te dire. Je vous respecte pas, donc. Je vous respecte pas, je peux pas. Tu lui passes la joue comme ça. Ouais, c'est arrête, ça. Arrête. Non, mais ils ont des petites cravates avec un petit short, les mecs, on dirait des enfants de 4 ans. Et le mec, il dit bonjour monsieur, police nationale. J'ai dit. Va faire un autre chaise et puis. Ça me fait pas envie, moi, l'Australie. L'Australie, oh. Ah, c'est joli, c'est un pays fascinant. Ça doit être fou quand même. C'est... La nature, oui. La nature, oui, les kangourous, c'est très drôle. Ouais. Bah, ils sont terrifiants. On en a parlé beaucoup ici, les kangourous sont des animaux très dangereux. Hein. Très, très, très dangereux. Ils sont très agressifs. Même quand ils te regardent dans la rue, ils bombent le torse. Ouais, bah ouais, moi je fais pareil. Dans la rue, c'est mon frite. Dans la rue. Est-ce qu'on peut dire, José, que t'es le kangourou du cinéma français? Oui, point de vue taille, ouais. On peut dire ça. Et puis j'adore choper la tête des mecs et leur mettre des coups de pied. Non, mais attends, je voudrais revenir sur un truc. T'as dit les kangourous quand ils te regardent dans la rue? Oui. Il y a des kangourous dans la rue, en fait. Il y en a un dans la rue. Eh ouais, ouais, ouais. C'est ça le problème, c'est que tu le croises à 2h du mat, tu te regardes, tu dis tiens, tu passes à gauche, tu essayes de passer à droite, il te prend la tête avec ses mains et il te met deux coups de pied dans le ventre et voilà. Il te tend la main et quand tu vas lui serrer, il a fait ouais, allez, allez, c'est ouais. Ça, allez, c'est bon là. Il te fait baisse les yeux. Ouais. Pourquoi tu te tapes? Il te prend la main. Et... est-ce que vous avez eu tendance parfois dans votre vie à fuir un peu vos responsabilités, comme oula, ce monsieur a fait chaque jour. dès que je peux. Chaque jour, je cherche les responsabilités pour les fuir. Les fuir. C'est mon adrénaline à moi. Charlotte, est-ce que toi t'es un peu comme ça? Bah, est-ce que les emails c'est une responsabilité? Oui. C'est une petite responsabilité. Bon alors j'évite. Ouais. Enfin, ouais, non, je suis après, pas très. T'es très sollicité, j'imagine aussi. C'est peut-être ça aussi qui. J'aime pas du tout avoir à répondre. Ah ouais. Oh, bah, et sur les à téléphones, être forcé à répondre un petit peu. Ouais ouais. Non mais moi pareil. Et on m'en veut parfois. Ah ouais. Bah ça, ah, on est aussi dans la même team. Moi, c'est terrible. Et en fait, moi, c'est pas que j'en veux. Moi, je réponds pas non plus, hein, de ouf. Hein, donc, je serais très mal placé pour en vouloir. Mais des fois, du coup, moi, j'ose pas relancer les gens qui répondent pas. Et t'as peur d'être chiant. Tu vois ce que je veux dire? En ah, fait, oui. Moi, par exemple, je réponds pas. Mais si on me relance, oui. Je le prends pas mal. Du coup, je fais, bah, c'est normal, je réponds pas. Oui, est-ce oui. que toi, si on te relance après, il y a quand même aussi le truc un peu de. Je vais répondre, juste me harceler. Non, pas non, non plus. Moi, je culpabilise tout de suite. Et je suis tout de suite prise en faute. D'accord, très bien. Bon mood. Pour ouais, avancer. Ouais. Ouais, sympa. Toi, José? Écoute, non, je toi, sais pas trop, mais j'essaie de, ouais, de répondre au maximum. Quelquefois, ça, je peste. Mais vous aimez pas réfléchir à une réponse? Si, mais trop. Moi, j'aime bien. Ouais, ouais j'aime bien, temps, mais je pense quoi. Trop, tu vois. Mon en fait, problème, je tellement c'est ça. Attendre. C'est que je suis assez instinctif et je m'en veux. Je m'en veux tout le temps. Oui, en fait, tu t'embrouilles avec tout le monde. Je m'embrouille avec tout le monde, je réponds tout de suite. C'est un peu fou, José. Je pense que tu voulais manger sur le plateau. Eh ben, je t'emmerde, pousse. J'ai répondu au moins. Je suis sympa, merde. J'essaie moi, de répondre assez vite. Moi, je dois répondre un peu au texto parce que ce que je déteste encore plus, c'est le téléphoner. Moi, j'aime pas le téléphone. Ça, c'est... Du coup, j'ai un peu un truc où je me dis bon, faut quand même que je réponde au texto parce que déjà que je réponds pas au téléphone, que je réponds pas aux messages, etc. Ouais. Le mail, moi, j'ai trouvé la nouvelle technique, c'est je fais des réponses envoyées à certaines heures. Genre, je déteste oui. répondre en journée parce qu'on me répond tout de suite. Oui. Et après, je trouve que je rentre dans un vortex. Un peu chiant qui m'effraie. Le soir, tu réponds. Donc, moi, je réponds le soir avant d'aller me coucher, mais j'envoie le matin à 7h. Comme ça, j'ai un truc de. J'ai mec. Pas l'air d'un fou allié. Très bien. Alors, là, ce que tu viens de dire, t'as l'air d'un fou allié. C'est ce que j'allais dire. Alors qu'en vérité, dans ma popote interne, je suis complètement dingue. Non, non, de mais faire c'est. Ça. Pour mais... moi, c'est génie du mal. Enfin, c'est... Non, mais c'est. Moi, je compte dominer le monde très bientôt. Ça va arriver. Est-ce que vous aimez le FaceTime? Pas trop. Moi, je déteste. Ouais, moi non plus. Déjà, je me regarde, ce qui est ouais, c'est terriblement égocentrique. Mais maintenant qu'il y a la petite, pour ah les oui. enfants, c'est pas ouais. mal quand même le FaceTime. Ouais. Pour les gens qui sont loin, et moi, je sais qu'avec ma mère, j'essaie d'en faire au maximum. C'est ça. Et qui ont dans leurs yeux. Voilà. C'est ça. C'est un mais peu... on sait pas quand raccrocher. Ouais, c'est ça qui est un truc. Oui, c'est plus difficile de raccrocher. Si, c'est quand l'autre est comme ça et que tu vois plus que la moitié du visage et tu sens que tu le fais chier. Tu ouais. dis qu'il est en train de faire autre chose. Oui, c'est non, moi, ce que j'aime bien, c'est le message audio. Je trouve ça beaucoup plus personnel, aussi. Plus rapide. Très adepte du message audio. Ah ouais, ouais. Et j'envoie le message audio parce que comme ça, je donne le ton de ce que je veux dire. Mais alors, moi, j'aime pas les textos, mais je les garde tous. Alors que les messages audio, enfin, tu peux mettre keep, mais t'as pas une trace. Oui, c'est pas, ils disparaissent. Sur WhatsApp, ils restent. Sur WhatsApp, ils restent. Sinon, faut conserver, effectivement. Oui, tu conserves, mais c'est pas pareil que d'avoir une liste de tout ce qu'on s'est envoyé. Mais ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Récemment, je t'avouerais que moi, la liste, je m'en fous, c'est vraiment d'un vide, mais apocalyptique. Ça va? Ouais, tu viens boire un coup? Non, je peux pas. Bon, on se voit demain? Ouais, génial. Attends, je vais garder ça. Attends, je vais me le faire graver sur vinyle. Sortir mes mémoires là, c'est ça. Les petites conférences entre amis par José Garcia. Ouais, c'est ça. Non, mais ceci dit, et ça rejoint ce que tu disais, où toi, tu effectivement, tu prends, on sent que tu prends ton temps pour les écrire, parce oui. que récemment, voilà, vu que ça va être bientôt sorti du film, j'étais dans un espèce de truc où je regardais un peu tout ce qu'on avait fait autour. J'ai scrollé vers le haut et effectivement, les textos sont cool. Enfin, c'est cool de lire. On sent que tu les as un peu bossés quand même ces SMS. Oui, j'aime bien, mais j'aime bien écrire. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà fait des rendez-vous, donc comment ça s'appelle maintenant les rendez-vous? En visio. Ah oui, les Zoom, les trucs. Ah oui. Et où vous, des trucs de boulot, et où vous faites d'autres choses en même temps? Bah, moi c'est grillé malheureusement si je fais ça. Ah bon? Bah, si je fais autre chose en même temps, moi ça se voit. Toi, tu fais quoi par exemple en même temps? Bah, si c'est une réunion où il y a plein de gens, je fais des textos. Moi, je fais des captures d'écran de certaines personnes en visio et je les envoie à mes potes qui sont en visio aussi. Mais tu sais que maintenant sur WhatsApp, on voit quand tu fais une capture d'écran. Non, pas sur l'ordi. Ah. Pas sur l'ordi. Eh non. Et du coup, je... génie du mal également ici. Ouais. Génie du mal. Hein. Ouais. Ouais. J'ai fait des montages photos aussi pendant la visio sur un des gars. Bon, là, les gens vont savoir qui c'est parce qu'il y a que une. Il y a qu'une boîte avec qui je fais des visios en ce moment. Non, mais moi, une époque, ce que je faisais un peu, je faisais du Tetris pendant les visios. Ah oui, bah, quand même. Oui, mais t'écoutes Tetris. Tetris, c'est quand même des trucs un peu. Oui, je suis d'accord. Non, Tetris, c'est un truc qui accompagne pas mal. Je faisais même des réunions d'écriture avec Robinson Latour, pour ne pas le citer. Et lui, il joue au Tetris pendant les réunions d'écriture. Et en vrai, ça lui oui, met ça son cerveau un ouais. peu ailleurs, quoi. Ouais, du coup, ouais. Il a un truc un peu plus instinctif. Son esprit glisse ailleurs. À la manière de Faflarage, bien sûr. Une étude a été organisée pour classer les œuvres d'art les plus décevantes du monde. Je vous demande. Je suis sûr qu'il y a la Joconde. Bah, j'avoue, dans le numéro 1. Ouais, ouais, c'est la numéro Joconde. 1. La Joconde ouais. est numéro 1. Ouais, tout simplement. Parce que les gens disent, oh, elle est toute petite. Ouais. Oh, t'as pris une et petite. Elle est sombre. Une petite, oh, bah, ils nous emmerdent. Ouais. Elle est sombre. Attends, oh, merde, la Joconde, on verra. Vas-y, au Louvre, connard. Non, mais elle est sombre. Elle est... C'est vrai que quand on a eu la première fois, bah, tout le monde déçu. Se fait toute une idée. Bah, t'es chie sur l'art, en fait. Alors que tout en camon, ça claque. C'est quelque chose. Tout métal. La Joconde arrive en tête du classement avec 37% de mentions négatives. En gros, ils regardent ça avec Internet, en gros, sur les avis. Ceux-ci regrettent notamment de devoir braver la foule pour pouvoir s'approcher de la toile, ou encore la distance qui sépare Mona Lisa des visiteurs, ce qui effectivement t'as un petit sas. Ah oui, voilà. Oui, oui. Il est important de noter que le plus souvent c'est pas l'œuvre d'art elle-même qui est décevante, mais l'expérience de la voir qui échoue, souligne le site derrière l'étude. La Joconde n'est toutefois pas la seule peinture exposée à Paris à être victime de son succès. Je vous demande la deuxième et la troisième œuvre. Il y en a une que je connais, l'autre je la connais pas, mais après je suis vraiment inculte, donc peut-être vous l'aurez. Mais voilà, la 2 et la 3. La 3, on en a parlé dans le podcast un peu de l'artiste qui l'a fait. Voilà. C'est un. Et ce n'est pas Bill du Big Deal. D'accord. Attends. C'est peinture ? C'est peinture. Les deux, c'est peinture. Alors on va trouver l'artiste déjà. Ouais, vous pouvez trouver l'artiste. Alors, les artistes, je les connais, moi. Donc c'est vous dire. Non, Picasso, non. Non, il n'y a pas Picasso. Il n'y a pas de Caravage non plus, il n'y a pas Titien. De la Croix. C'est magnifique. Il y a De la Croix. Ok. Ah. Donc une œuvre connue de De la Croix. Ouais, bah ouais, grave. Ah, celle qui est, ouais, celle qui peux est la au train bleu. Il y en a une au train bleu. Non. Si vous voulez pas aller vous faire chier dans un truc, vous pouvez bouffer, prendre le train et voir des... Non mais c'est vrai, c'est un des plus beaux, oui, bien sûr. Un des plus beaux restaurants de Paris avec des tableaux magnifiques. Ouais. Mais là celle-là, elle est pas au train bleu. Attends, bon. De la Croix. Ah non, je dis de la merde. Non. Mais si vous avez pas le titre, là moi je vois à quoi elle ressemble, quoi. Ah, ça doit être un. Non, mais j'ai peur de dire un truc et qu'on me dise. Ça n'est pas du tout De la Croix. Et alors, mais t'es dans le podcast, mon pote. Ah, je sais, mais bon. Vas-y, t'as. Bah, sois pas impressionné. Attends, ouais, c'est ça. Peut-être un Van Gogh ou un Manet. Le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, mais c'est pas ça. C'est pas le radeau de la Méduse. Il est magnifique, le radeau. Ouais. Maintenant, ils auraient pas dit ça quand même. Ils auraient pas osé. T'as critiqué la Joconde. Faire chier, quoi. Non, de la. Attends, mais putain. De la Croix. Sinon, vous avez le troisième, qui est aussi un artiste très connu. Botticelli. Non, on a reçu un invité qui est venu en parler même. Le David, il trouve que la Dali. C'est Dali. Ah oui. C'est laquelle de Dali? Qui est troisième. Les Montres Molles. Ouais, alors c'est pas ça le titre. J'ai découvert que le titre c'était. La persistance de la mémoire. Bien sûr. Pour qu'est-ce qu'ils disent Dali de mal? Ils sont déçus. Quoi. Les montres sont pas si molles. Ouais. Franchement, j'ai une montre plus molle c'est que ça. Oui, c'est ça. On en a fait des caisses sur la mollesse des montres de Dali. Alors vraiment, ouais. À l'aube de 2024. Elles sont mi-molles. Pour moi. Oui, c'est vrai. Et la De la Croix, je vais vous la donner. Je vais vous la donner. C'est vraiment la plus connue. Il a envie de la trouver. Non. Il a trouvé. Pourquoi tu montes ton lobe d'oreille? Bah, ouais, je voulais le faire discrètement. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est pas ça du coup. C'est quoi? Non, rien. Bah, non. C'est pas ça. C'est un truc qu'il a appelé au baseball. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quelque chose de très précis. C'est un système en fait. Fais-moi une balle courbe. Ouais. Tu viens de faire le gars d'Interville là, Chiabodo. Ouais. Chiabodo. Ouais. Ouais. T'avais une Chiabodo dans Baltimore. Baltimore. Système Baltimore. On fait ça. Okay. C'est la liberté guidant le peuple. Ah, c'est ça. Mais bien, voilà. C'était sur les billets de 100 francs. C'est la meuf avec le sein nu et le drapeau. Oui, oui. C'est voilà. Ce qu'il y avait sur les billets de 100 francs une époque. Mais oui. Ça. Que vous n'avez pas connu. Oh, si, ah, j'ai si, connu, si, moi. Oui. Quand même. Si moi j'ai connu, Adrien a connu. Je suis pas si. Vous êtes des gosses riches, vous avez surtout connu le billet de 100 francs. Et donc, ouais, non, les gens sont déçus de ces œuvres-là, mais effectivement. Mais attends, d'où ils sont déçus de la liberté guidant le peuple? Ben, le sein. Ouais. Ils voulaient les deux en fait pour le prix. Il y a des plus grosses gougous. Ouais. Que ça, des moi je m'attendais à quand même quelque chose de plus. Voilà, pour libérer le peuple. Si on avait... On m'avait dit la France. Ouais, j'ai même pas eu une montre mi-molle en perdant quoi. Est-ce qu'il y a des choses, alors pas forcément. De quoi? Qui nous ont déçus. Oui, c'est-à-dire, mais je vous demande pas des titres. Des œuvres. Des œuvres. Ah non, parce que toi, t'allais dire quoi? T'allais dire des acteurs. Ah non, mais moi, j'en ai. Moi, j'ai. Il y a quelqu'un dans Renouer le Roi, je vais pas dire qui. Non, je peux dire. Ah, mais bah, j'en ouais. ai déjà parlé, mais c'est pas une œuvre, mais j'en avais déjà parlé, mais le Grand Canyon m'avait un peu déçu, moi. Ah ouais? C'est toujours décevant, le Grand Canyon, ouais. Ah, bah, pas pour quand Charles. Tu vois. Bah, non, mais moi, je viens faire Monument Valley, le lac Powell, je trouve ça beaucoup plus cool. Là, il y a qu'une fois où je l'ai fait en hélico. Ouais, bah, toujours, voilà. Toujours mieux que moi. J'ai fait un looping. Bon. J'étais en voiture de loc. J'étais en voiture de location. Et là, le mec, c'était la seule compagnie qui pouvait plonger dedans avant qu'il y ait des accidents. Et après, ça s'est arrêté. Ah ouais. Et c'est la seule fois où, franchement, là, j'ai eu un truc. Ouais. Quoi. Le mec, il fait now, look at this. Et le mec, il est replongé. Oui, bah là, forcément, t'es pas déçu. Ouais. Mais là, t'es déçu nulle part. T'en fous. T'as même pas besoin d'aller au Grand Canyon. Oui, j'allais dire. Dans les gorges du Verdon, tu plonges dedans. Tu tapes les deux hélices, tu te cognes la gueule, t'arrives comme une merde en bas. Non, mais après, je sais pas. Il y a un truc. truc où je l'ai vu, j'ai fait ouais, c'est grand quoi. Oui, c'est grand. C'est vrai que c'est un grand canyon. Ouais, vous avez pas menti sur la taille du canyon. Non, moi j'ai eu ça avec la tour Eiffel en vrai quand je suis arrivé. Oh, c'est vrai. La première fois. Pour qui tu te prends? Mais je suis, écoute, campagnard de merde. Ah oui, mais je comprends. J'étais jeune. J'avais 15 ans, 14 ans, tu vois. J'arrive et j'avais un peu un truc de oui. Bon, ouais, c'est mais pas. T'as pas trouvé ça énorme comme. Si, mais ça, déjà, je me suis rendu compte que je suis pas impressionné par. Ah oui. Oh, c'est fou ce que l'homme arrive à créer des trucs énormes comme ça. Tu vois, je m'en fous un peu. Je suis plus impressionné par. Bah, tu vois, tu parlais des arènes ou des trucs. Tu sais, des trucs qui ont. Très antiques. Des siècles et des siècles d'histoire, et ça reste encore. Et ça, j'ai un truc de putain. À cette époque, il y avait des gens. Mais même la Tour Eiffel, même l'histoire de la Tour Eiffel, c'est bon, bah, ils l'ont construit pour un salon et c'est resté. Enfin, voilà, ça m'a un peu. Ouais. Après, ça manquait de. Je voulais pas clasher la Tour Eiffel. Non, bah, c'est un peu. On dira que bon. Gros respect à la Tour Eiffel. Non, mais tu vois, l'Arc de Triomphe me touche presque plus que la. Ouais. Bon, pourtant. Enfin, j'ai jamais vu un aussi beau rond-point. Déjà. Il y a le même. C'était un beau rond-point. Maintenant. Principe de la place de l'étoile, vous savez, c'est toujours le truc quand on arrive de province, on se met sur les bords et en fait on se fait défoncer de gauche et de droite par tout le monde. La place de l'étoile, c'est que c'est vraiment une étoile, donc on rentre jusqu'à l'intérieur du cercle et on ressort. Ah ouais. Et gens qui viennent sur le côté, ils souffrent un martyr parce que. Moi, je l'ai pris à l'époque en trottinette électrique. Ah, non, c'est courageux. John Wick 4. Bon, à mes yeux, vraiment, j'étais. Mais paniqué. Moi j'ai mâché une Austin avec un poids lourd de l'armée dedans. C'est-à-dire. Mais j'étais chauffeur poids lourd à l'armée et j'avais un énorme 12 tonnes machin. Il y a un mec qui a voulu, il a voulu faire le malin. Et j'allais, en fait, c'était un gros berlier tout acier où on emmenait toutes les poubelles et les machins. Le mec s'est foutu avec l'Austin pour jouer au kéké. Il croyait qu'il allait avoir le dessus. Et puis j'ai fait conk-dunk. C'était juste un petit mouvement comme un dodan. Et en fait, c'était sa caisse, mec. Je le voyais. Elle était sous la roue. Et il avait une audace. Ben non. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il était derrière, à l'arrière de l'essieu. Tu vois, c'est pas de ma faute, quoi. Non. Par contre, la vieille dame qui était devant quand j'ai tourné la tête, ça, c'était chiant. Ça, pour le coup, voilà. Sur la place de l'étoile. Place de l'étoile. Incroyable. Mais le mec avait une audace quand même de vouloir rivaliser avec. Le mec avec des Austin, c'est très teigneux. Oui. Très agressif. J'ai fait un truc très con sur l'avenue de la Grande Armée. Je venais d'avoir une moto et j'ai conduit le guidon droit avec la main gauche. Ah, t'as inversé les trucs. Oui. Ah oui, mais pourquoi? Pour faire la zozo? Je sais plus, pour me gratter. Ah, d'accord, ah oui. Ah, c'est pas mal. J'ai eu un accident. Bah oui. Le guidon a suivi la main, quoi. Le guidon a suivi la main pour des raisons terribles. Mais parce que je comprends pas pourquoi, même pour te gratter, t'avais besoin d'inverser le. Tu pour garder l'accélérateur. Ah, mais oui, je suis con. Ah, pardon. Bah oui, je suis idiot. Mais non. Pas autant pas que moi. Si je peux être juge, vous êtes tous les deux très idiots. Vous embrouillez pas. Normalement, tu lâches la main, tu te grattes, tu reprends. Mais là, prendre le temps pour continuer la distance, c'est assez magique. Mais moi, j'aime bien ça. Ces associations d'idées, c'est des trucs de temps en temps. C'est comme un mec, j'avais entendu une histoire terrible. À une époque, on était des plombs, vous savez, des plombs fondus dans les dents quand les gens avaient des caries et des machins. J'en ai plein, moi. Et en fait, il y a un week-end, un agriculteur, un gars qui s'est dit, mais putain, il avait une rage de dents. Et le mec, il s'est dit, j'ai pas le temps d'aller chez le dentiste. Et il a vu la carabine à plomb de son fils. Et il s'est dit, bah, c'est à peu près la même chose. Tu sais, quand tu tires un plomb dans un mur, ça fait le même effet visuel. Oh et le mec a mis la carabine dans la bouche. Il a tiré. Ah, il a tiré. Et là, il a fallu qu'il aille voir un dentiste, voir un chirurgien, voir un plasticien. À Londres, pardon, on trouve le premier restaurant à proposer quelque chose d'assez surprenant au menu. À votre avis, qu'est-ce que c'est? De la panse de brebis farcie. J'en ai cherché. Ah ouais, c'est bon ça? Ouais, c'est bon. Ah ouais. Enfin, j'en ai jamais entendu parler. Dans mon souvenir, c'est bon. Ah ouais. Tu veux lancer un petit bise? Tu peux lancer un bise. José, il peut t'aider. Rosé Garcia. La panse Charlotte Gainsbourg. Alors là, ça se vend comme c'est des pas facile pains. À faire, ouais, non. Avec ta tête sur la panse de brebis. De l'humain. Ce n'est pas de l'humain. Non, mais ça doit être des vers ou des. C'est le grand truc, ça, maintenant, de prendre des insectes. C'est un être vivant? C'est des insectes, effectivement. Alors. Vous pouvez être encore des plus araignées. Précis, pas des araignées. Non, c'est pas des insectes. Non, c'est des sauterelles. Non, c'est des grillons. Ah oui, c'est ça. Grillons. Mais alors, la petite particularité, c'est que les grillons sont présents dans chaque plat que vous commandez. Pourquoi dans ce restaurant. Même ça s'appelle Jiminy Cricket. Ça s'appelle Yum Bug. Ah ouais. Donc voilà, c'est créé par Leo Taylor, le cofondateur de Yum Bug, un restaurant qui est le premier au monde à ne proposer que des insectes au menu, mais attention, insectes cuisinés et dont absolument tout. Bah, j'espère qu'ils sont cuisinés, ouais. juste des grillons vivants. Des grillons vivants, bah voilà, régalez-vous. tu en trouves dans le beurre que tu mets sur ton pain. La raison pour laquelle ils se sont lancés là-dedans, c'est parce qu'apparemment, ces insectes sont les protéines les plus durables sur Terre. Ouais, absolument. Eh oui, selon le créateur. De là à en faire du beurre. Peut-être pas la peine, quoi. Et selon pas. Le créateur, bon, ça j'avais un peu de mal à le croire, mais bon, qui suis-je ? Lui, c'est un spécialiste des grillons. Et les grillons contiennent plus de fer que les épinards, plus de calcium que le lait et plus de potassium que les bananes. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas tant de fer que ça dans les épinards. Ouais, oui. Je peux débunker. Adri c'est une erreur de virgule. Adri débunk. Une erreur de virgule, les épinards. C'est genre Popeye et tout qui a un peu. Bah, c'est en fait, parce c'est, qu'il y a eu l'erreur de virgule qu'ils ont fait Popeye, ouais, t'imagines. Et Popeye qui bosse pour le lobby des épinards. Exactement, on sait, il voilà. avait un bise. Et des dentistes. C'était comme le Rosé Garcia à l'époque. C'est le Rosé Garcia à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, gros lobby, ouais. Les épinards Popeye, c'est. Et donc, ouais, les grillons qui se mangent partout. Vous avez un souvenir de restaurant un peu fou, de trucs que vous avez mangé, de trucs un peu surprenants? Moi, oui. Ah ouais? À Hong Kong. Ok. J'étais un peu impressionné parce que c'était un mec, je savais pas trop, c'était un gars des triades, mais en tout cas, c'était un mec qui était vraiment. Que t'as mangé? Ouais, non, il faisait de, la... ouais, il faisait de l'import-export. Donc à l'époque communiste, c'est toujours un peu spécial. Et en fait, on est descendu dans la rue et il me dit je vois toute la rue, c'est que des voitures de luxe. Enfin, le mec, je le trouvais sympathique comme ça. Et puis, il me dit, quelle voiture tu veux prendre? Alors, je marche, je dis, bah tiens, la Rolls. Et le mec, il appelle le mec, il fait, tiens, on prend la Rolls. Et là, j'ai compris que bon. Ouais. J'allais arrêter mes vannes à deux balles. Et il me dit, on va aller manger dans un restaurant, mais c'est vraiment des trucs très originaux. T'as enlevé ton costume de pizzaïolo, t'as fait manger ça. Je me suis rhabillé normal. Et le mec me dit, est-ce que vous me faites confiance pour le menu? Ouais. Et il dit, est-ce que on va goûter de la trompe d'éléphant? Oh. Et là, je lui dis, dis, mais c'est pas des animaux oui. peut protéger le mec, ouais. il peut pas faire en cuisine en grillon. Si, pourquoi t'as un problème? Tu veux qu'on. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a sorti un truc qui ressemblait à une trompe d'éléphant, qui ressemblait fou, à, tu sais, à réserve, tu vois, quand tu mets une bite de réserve avec une espèce de boue à la boue. Ouais. Et en fait, c'était pas ça du tout, c'est un énorme coquillage. C'était une bite. C'était une bite. d'éléphant. Non, c'était un coquillage dément, super beau, qui a une espèce de un truc qui ressemble à une grosse bite longue, comme un truc d'éléphant, et tu la découpes, c'est comme des raviolis frais. Ah, okay. Et après, t'as tout un nombre de trucs de nourriture où vraiment t'as aucun repère. Et donc, attends, il t'a fait une petite blague, le mec? Non, il voulait me faire goûter des choses. Non, mais t'as dit trompe d'éléphant, ça n'en était pas non, une. Non, Elephant Trump, ça s'appelle comme ça. Ah. Mais c'était pas pour déconner. Il me disait, et au moment où j'ai compris que le mec, il déconnait déjà pas avec la Rolls, c'est que je me suis dit, bon, oui, après, forcément. S'il veut me faire voir des trucs, vous voulez voir un homme mort écrasé dans un étau? Pourquoi? On va aller sur les docks, se promener 5 minutes, fumer une cigarette, je vous montre ce qu'on fait. Mais ton Netflix, c'est trop con. Je vous montre ce qu'on fait dans le coin. J'ai de nos activités là. Voilà. Charlotte, la première fois qu'on a mangé ensemble avec José, tu nous as raconté une anecdote de restaurant terrible. Est-ce que tu t'en souviens? Il m'a rappelé hier parce que je me souvenais pas. Alors, j'avais mal choisi déjà. C'était l'anniversaire d'Yvan. Il était déçu parce que c'était pas. J'avais pas bien choisi, mais bon, c'était un restaurant très chic. Et ma chienne avait des problèmes de digestion et elle a pété toute la soirée. C'est déjà mis une ambiance. Oui, ouais. Et c'est un signe en fait. Oui. Ça veut dire qu'il y a une surprise. On n'avait pas vu, mais une odeur, mais atroce. A envahi le restaurant. Et en fait, elle avait une chiasse, mais terrible. Elle a ruiné le restaurant. Elle a ruiné le restaurant. Les gens se sont levés. C'était affreux. C'était de ça qu'il parlait, le photographe, en fait. On est allé au resto avec Charlotte Gainsbourg. En fait, chieuse, en fait, c'était ça, quoi. Ça a donné le là du tournage, en vérité. Ah ouais. Parce qu'on n'est pas loin de l'écriture c'est de vrai. Le roi. Oh, oui, ah bah, c'est alors là, dans le floodcast, on est tout à fait dans l'ambiance. On est vraiment floodcast compatible. Mais c'est vrai que t'emmènes ton chien partout. Les chiens, c'est quand même une J'ai vraie... failli. Et je me suis rappelé que t'avais peut-être des chats. J'ai oui, un chat, mais on peut le mettre, on aurait pu le mettre. Non, enfin, non, mais la mienne, elle attaque. Au plafond, il serait resté là-haut. Elle attaque. Elle attaque. Ah oui, tu m'avais chats. Dit même qu'elle attaque. Elle est méchante. Tout. Ouais, non. En fait, elle est adorable et avec les humains et les chiens, mais tout ce qui n'est pas humain et chien. Elle dévore tout bonnement. Oui, je sais. Ah oui, c'est terrible. Oui, donc peut-être un bon choix de ne pas l'avoir amené du coup. Ça n'aurait pas été mon happening préféré du podcast. C'est peut-être ça qui lui donne la chiasse, ceci dit. Si elle dévore tous les animaux qu'elle croise, malheureusement. 8 crapauds. Elle s'est attaquée à des vaches. Ah ouais, avant-hier. Ah bah c'est comme l'hostie avec le poids lourd là. C'est même... Elle leur a couru après. J'ai hurlé tellement et elle en avait rien à foutre. Et je l'ai récupérée. Elle leur a fait vraiment peur. Ouais. Et j'ai eu peur surtout qu'un fermier l'abatte. Ouais, ou qu'elle se fasse écraser par la vache aussi. Ou un truc. Oui. Mais bon. Après, c'est vrai qu'elle est adorable avec les Elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Alors, restaurant chelou toujours, et celui-là va sûrement rendre fou Adrien parce que je connais mon Adri. Quel est le concept de ce nouveau restaurant parisien, le Folie Crabe? Bon, c'est un rapport avec les crabes, j'imagine. Oui, mais c'est pas tant ça. C'est pas... Donc, c'est effectivement des fruits de mer. Est-ce que c'est toi-même, genre le homard, il est vivant et tu le mets toi-même dans l'eau bouillante? Non, comme ça que ça se cuisine, hein, les homards. Ouais. Donc... Bah ouais. Mais d'ailleurs, t'as dit un truc qui va me rendre fou, donc je vais. Donc... Ah oui, il va tout de suite là-dedans. La dernière, on a fait la tournée des avant-premières et donc Adrien est vegan. Et on arrive dans un restaurant. Adrien, forcément, et c'est normal, il a un régime vegan. Donc on adapte les restaurants à son régime. On arrive dans un resto qui s'appelle. Je crois qu'il s'appelait Filet et Entrecôte. Ça. Limite, ça s'appelait Animaux morts, le resto. Enfin, c'était vraiment. Ah, et oui, on là, arrive bien, et il y avait les homards vivants. Et c'est vrai que ça, moi je suis même pas végétarien. Mais c'est vrai que tu te dis, pourquoi même afficher les homards que tu vas manger? Il y a un énorme aquarium avec des homards qui sont là pour être vraiment mis. Il y avait une phrase là sur Insta. On en a tué un, nous. Ouais, je sais, moi j'ai tué un. Comme dans Agnol. Parce qu'en plus, ils gueulent, les homards. Ouais, je sais, moi j'ai tué. Non, pire. Ah, oula. Enfin, moi j'ai pas pu, mais. Au fusil. Bah oui, oui. Non, il faut les. Il faut les crever au milieu, ouais. Ouais, il faut les ouvrir. Oh là là. Mais il y a pire, c'est le homard breton, tu le balances dans l'eau bouillante. Bah, c'est ça. Et ils gueulent. En tout cas, ils font un bruit, ils font un. Ils font. C'est peut-être un peu chaud. Je suis pas expert, mais. Eh, je me suis pas mouillé la nuque parce qu'ils font des blagues. Quand même. Et là, ils sont... Le homard est sympa. Ouais, souvent, il a les bras en l'air. Ouais, comme ça. Le homard est bonne ambiance. Ouais. Bon, hey, oh, molo molo lastico. J'aime bien ce personnage. Le homard en train de crever. Donc non, là, celui-là, c'est pas dans la façon de cuisiner le crabe. C'est pas tout ça. C'est vraiment la façon de le consommer. Cru? Pas cru. Alors, la façon de le consommer. Ouais. Des sauces? Pas avec les sauces. Est-ce que attends bah, y a pas 50 000, c'est soit tu les bouillantes. Pas le décor. Alors non, c'est pas dans la façon de le cuisiner, c'est vraiment de le consommer. De le consommer, c'est un truc un peu. Il y a une mise en scène un peu. Ouais, arty, Paris, relou. Non, t'es pas dans l'eau, ça serait fou. Ouais, ça peut être génial. Allez chercher le homard et tout le monde se balade de table en table avec un couteau. T'es en maillot de bain à quoi boulevard. Non, ça fait en fringue de waterpolo, tu sais, avec des trucs avec les deux collants. Donc il y a un peu une mise en scène un peu artistique, c'est ça? Ouais, un truc très. Ils font des phénix avec, ils dessinent, ça j'ai déjà vu. Ils font des phénix avec. C'est quoi faire des phénix, pardon? Tu sais, l'oiseau mythique, le phénix, et ils te dessinent. Quand tu vois l'assiette arriver, tu sais que ça va coûter très très cher. Ah, ça oui. m'est arrivé une fois, avec du crabe, je me souviens encore. Et ils font ça avec du crabe, ils font ça avec. Avec quoi ils le font? Souvent avec des poissons. Moi je l'avais eu avec de la langouste. Ouais. Et forcément, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils ont dessiné un phénix avec des langoustes. Pour moi, c'est vraiment. L'addition, elle est, tu vois. C'est un cendrier en canette de coca, quoi, pour moi. Ah c'est la même chose, tu vois. Non, c'est magnifique. Oui, c'est un collier de pâtes. C'est vraiment un collier de pâtes. Ouais. Très cher. Oui, voilà, c'est ça. Non, là, c'est vraiment dans la façon de. T'es à table et on t'amène ton crabe. Et là. Qu'est-ce qui se passe? On te l'amène de la cuisine et il vient par ses propres moyens. Non, il vient pas par ses propres moyens. Il te le présente. Non, il te le présente. Voilà, pas. C'est Daniel. On Daniel va Omar. Voilà. Ça y est, ça pince. Qu'est-ce qui est sympa, ce Omar, putain. Ouais. Il serrait la porte. Je crois presque dans le film où le mec il vient et tu salues. Tu dis, ah putain. Oh, ah oui, là, une des scènes d'Adrien, parce que c'est vrai qu'on est là pour. Bah, les gens l'ont peut-être vu du coup. Oui, on a mis le début, mais il n'y a pas que ça. Alors attends. La c'est... manière dont on te le présente. Ouais, pensez concept un peu. Je vais vous le donner. Hein. Mais non, attends, on va trouver. Est-ce que c'est une référence de pop culture? Non. Non, c'est arty. Ah, un peu, tu veux dire, oui, Andy Warhol ou un truc dans le genre, c'est ouais, ça? Ouais, ou je sais pas, ou Bob l'éponge. Hein. Moi j'étais. Pour être tout à fait honnête, j'étais plus sur Bob l'éponge que Andy Warhol. Non, mais je vais vous donner la réponse. Ah, tu dois le manger toi-même, y a pas de couvert. Et il n'y a pas d'assiette. Ah, donc tu dois le homard briser dans un sac plastique et tu dois tout faire avec tes mains. Tu dois le briser avec tes mains, etc. J'ai vu une vidéo de ça. Oui, c'est complètement con. Tu te coupes, tu t'ouvres, c'est complètement con. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu un truc pour justement. Non, je pense pas. J'allais dire justement, tu vois. Te rappeler. Briser. Ouais, voilà, la dissonance cognitive de genre, bah c'est un animal que tu manges et du coup. Oui, mais le restaurant s'appelle le Folie Crabe. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était sans doute. Il t'amène les bouteilles, mais sans tire-bouchon. C'est en fait. Comme si tu costais McDo et dans cuisine, c'est ils tirent sur des vaches. C'est ça que vous allez manger. Hein. C'est ça que vous allez tu manger. Tu dois tuer ton bœuf soi-même. Vais, ouais. Ouais. À quoi ça ressemble une bonne soirée pour Charlotte Gainsbourg et José Garcia? Pour Charlotte déjà. Si on te dit, ce serait quoi là? Tu vois, tu décides. La soirée moi, je de suis rêve. Pas festive. Mais c'est pour ça. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, ça peut pas être. De chiasse de chien, j'imagine déjà. Ouais, moi, je vais dire une bonne soirée pour moi, c'est d'être dans le restaurant en même temps. Là, au premier rang, là, je dis, oh putain, amenez-moi un peu de champagne. Ça s'arrange. Bah, j'ai vachement vieilli, j'aime le vin maintenant. Très bien. Non, et je suis passée du Bourgogne au Bordeaux. Ça y est. Mais bravo, bravo. J'ai vraiment vieilli. Une trahison pour moi, mais très bien, j'entends. Ouais. Donc c'est être chez toi, avec des amis, seul. Non, non, mes enfants et Yvan, c'est tout. Ouais, c'est ça, famille. Attention, très simple. Mais attention, tu dis que t'as vieilli, j'ai 20 ans de moins que toi, c'est la soirée parfaite pour moi. Et il n'y a même pas de vin. Moi, de l'eau plate, c'est ça. Il n'y a même pas de vin, il n'y a même pas d'enfant, il n'y a même pas de conjoint, rien. Et juste... c'est la soirée parfaite. Oui, juste une solitude glaçante. Toi, José, la soirée parfaite. La soirée parfaite, elle est... Elle est, alors moi, bah, par contre, oui, moi j'aime ça le vin. Ça va peut-être pas être la même limonade. Moi, c'est... non, c'est pas de la limonade, il n'y en aura jamais, à part pour rincer les doigts. La flotte est juste pour tes yeux, tu vois. Non, moi c'est ce que je disais à Charlotte. Enfin, je bois pas, je sais pas non plus, voilà, oui, bon. Je bois pas de la semaine et tout. Mais alors quand, j'aime boire. Alcoolo, C'est vrai, j'ai le nez un peu rouge. Mais, t'as dégueulé en arrivant. Ouais, mais tu as vu, après le rince-cochon, ça va beaucoup mieux. Non, moi j'adore maintenant, j'adore prendre des. Je trouve que sur la table, avoir un double magnum de vin rouge comme ça, oui, ça impressionne toujours les gens. Ah oui, au final, on descend toujours pour en chercher une autre. Donc voilà, c'est ce que j'aime le plus. C'est une grosse tablée n'importe où. Alors maintenant, je t'avouerai que c'est même pas une soirée. Ce que j'aime le plus, c'est. Une matinée. Ouais, 9h du matin, parce qu'il est quand même toujours midi quelque part. Et à la limite, pourquoi le faire chez soi alors qu'il y a un pub ouvert? Mais pourquoi ne pas aller le faire directement chez ses voisins? Ou rester au lit, rester au lit avec du vin. Non, c'est. Voilà, c'est à midi, moi j'aime bien. Je trouve que maintenant, le côté festif de l'après-midi, c'est siroter toute la journée, jusqu'en fin de journée, dire des conneries, avoir une équipe de gens avec qui tu ne fais que rire. Et plus l'été, non, quand même. L'été. Plutôt, quand même. L'hiver, c'est chiant. L'après-midi, c'est pas mal. Ouais. À midi, et tu emmènes sur l'après-midi. Et du coup, tu te couches tôt, en plus. Ouais, c'est ça. Non, moi, je me couche 21h30. Oui, tu te couches très tard. Moi des fois, j'ai des textos de Charlotte à 3h du matin en disant pas de soucis pour demain. Non, moi j'aime bien parce que tu perds pas toute la nuit. Tu peux gagner encore l'autre journée. C'est pas mal. T'as toujours des moments en plus d'isolement où tu vas t'installer avec des amis, où tu parles plus en tête à tête, et puis après tu reviens dans le groupe. Ouais, c'est pas mal. Tu le temps que t'ailles chercher à la cave la deuxième double magnum. Et puis après, tu vois les gens qui essaient de te parler, et ça c'est quand même beau. Il y a de la nourriture à un moment donné, ou vraiment c'est de la nourriture. Il y a souvent des petits mésés, des trucs à picorer comme ça. Oui, quand même. Tu vois. Parce que sinon, elle est très courte, je pense, l'après-midi, si tu manges pas du tout. Elle est très longue. Au contraire, parce que c'est que les professionnels. Tu rampes après, donc. Vous savez pourquoi? Souvent, c'est ce que j'avais raconté une fois, je crois, à Florent. J'avais vu un gars comme ça. Moi, j'ai adoré pendant des années aller dans des bars tôt le matin et voir tous les piliers de bars. C'était ma passion de voir l'ambiance, parce qu'avant Internet, si vous voulez, les conneries, elles se disaient là. Ouais. Sauf que les gens étaient bourrés. Donc, ça, c'est, si vous voulez, ça vous rappelle tout. Les gens sont bourrés parfois. Et un matin, je vois un type arriver comme ça. Tout fin, vous savez, des gars qu'on voit dans les quartiers populaires, habillé un peu en malheureusement marin. Mon père, là, ce que t'es en train de faire, mais... ça dépend de l'horaire, mais oui. Il avait une écharpe, et je me disais toujours pourquoi ils ont toujours des petites montres des années 70, des pantalons un peu qui datent d'une autre époque, et le mec qui est trop fin dans une veste, comme ça. Et le mec arrive dans le bar, comme ça, il fait un petit sourire, super bonne bouille, et il avait une écharpe autour du cou. Et c'est vrai que j'en voyais pas mal qui avaient des écharpes. Et je vois le mec, il fait un petit plan, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais vous dire est assez pathétique et assez dur, mais c'est quand même assez impressionnant. Et le mec arrive et il essaye pendant 10 minutes d'essayer d'attraper le verre de blanc avec la main, avec la bouche et machin. Et à un moment, il me fait un petit clin d'œil. Il prend l'écharpe qui était autour de son cou, comme ça, et il se l'enveloppe sur le bras gauche. Ah ouais. Il s'avance comme ça, il prend le verre et il tire sur l'autre partie de l'écharpe jusqu'à monter son verre jusqu'à la bouche. C'est pathétique, c'est pathétique, c'est très dur et franchement c'est pas. Mais quand même, c'est l'image est un truc de malade. Il a flingue. Franchement, Adrien me disait dans l'oreille, c'est ridicule ce pauvre type. Il m'a dit. Et le mec a trop marré, moi. Oh le gros nul. La honte pour lui. Et le mec a bu le truc et à partir de là, il a commandé. Il a enlevé les chats. Il était en manque. C'était le manque qui le. Quand c'est 9h du mat, ça commence à être le manque. Ouais, tu verras avec ton coca. Ouais, bon bah. Quand il va se balader avec son écharpe et tout. Amenez-moi mon soda. Non, toi. T'auras un assistant qui tiendra le bras, toi. Oh, mais tu crois vraiment que ça va? On t'aura percé dans le cinoche à fond, là. On en parle mercredi, d'ailleurs. On en parle mercredi. Allez. Chers amis, c'est bientôt la fin de cet épisode. Ça file à une vitesse folle. Mais c'était fou. Mais comme d'habitude, je suis un. un pur débile, j'oublie de vous prévenir. À la fin, on fait les recommandations culturelles. Donc, on propose à des gens. Charlotte m'a dévisagé. Oui. J'aurais dû prévenir, j'aurais dû envoyer un texto. Tu détestes les textos, je me suis dit, j'allais pas t'embêter avec ça. voilà, des trucs que vous avez aimé récemment. Alors, c'est pas forcément des trucs récents. Ah, c'est d'accord. Ça le truc. Ça peut être des choses. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'avais demandé. C'est encore ta boisson au sarrasin ? C'est de l'eau. Non, non, mais ce qu'il y avait avant, je veux dire. Ah, c'était du thé vert. Ah, d'accord. Est-ce que tu buvais une infusion sarrasin ? Charlotte, est-ce que tu peux me permettre que tu trouves Adrien très con de dire c'est de l'eau en la boisson transparente. La boisson transparente. C'est la boisson aux arsins. Oui, merci. C'est de l'eau, non, Adrien. C'est un peu teinté. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, je t'ai vraiment vu verser le truc dans le même bro que dans lequel j'ai bu, donc je savais que c'était de l'eau. Effectivement, mais bon. C'est quoi la boisson que tu buvais tout le temps sur le tournage ? Bah, une infusion sarrasin. De l'eau. Mais pas que. Non, ah ouais, j'ai toutes sortes de teint. De thé. Bah, c'est quand ça. J'étais là, c'était le truc au sarrasin même. Oui, parce que ça se boit le soir. Ouais. On peut boire ça. Tu m'en avais donné un sachet, je l'ai pas encore goûté. Ah bon ? Bah, c'est comme le vin, ouais. Il le garde en cave pour vraiment pour en profiter. Non, mais moi j'étais très impressionné parce que tu buvais beaucoup beaucoup de boissons et une vessie à toute épreuve. Oui. Bon, les gens le disent pas assez sur ta carrière, mais franchement, vu tout ce que tu bois, franchement, j'étais très. Que de réputation. Ah non, mais là, après ce podcast, vous pouvez corriger le Wikipédia. Chieuse et. Chieuse mais papisseuse. Est-ce que ça peut pas être le plus bel hommage qu'on pouvait te rendre dans cet épisode sans déconner? Écoutez l'épitaphe. Charlotte Gainsbourg. Chieuse mais papisseuse. Ouais, c'est, on dirait carrément, tu sais, les trucs que t'avais dans Les Chevaliers. Ouais. Chieuse sans peur et sans reproche. Le blason, là. Le blason. Chieuse mais pas pisseuse. Mais je comprends pas, c'est vraiment un duc ? Ah non, c'est une comtesse. Donc oui, c'est pas forcément des trucs récents, c'est des trucs que vous conseillez aux gens. Ça peut être des films, des séries, des livres, du théâtre. Alors je peux commencer pour laisser le temps des de jeux, réfléchir. Des choses, n'importe quoi. Alors c'est une chaîne YouTube, moi j'ai découvert, mais peut-être que toi tu connais Flo, et si tu connais pas, je pense que ça va beaucoup te plaire. Ça s'appelle Dodford, D-O-D-F-O-R-D, et c'est un gars qui fait, alors de ce que j'ai vu, essentiellement des portraits de plutôt de gens du cinéma. Ok. Mais sur avec des thèmes à chaque fois, donc il y en a un sur Adam Sandler par exemple, ouais. C'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait te plaire, mais il y en a un aussi où il raconte l'année où Spielberg a fait Jurassic Park et la liste de Schindler la même année. Ah oui, ouais, je savais pas. Putain, mais il a fait les deux la même année. C'est un peu comme Charlotte quand elle fait Madonna et Cyril Hermite. Non, mais c'est impressionnant de voir le niveau de travail de ces gens-là. Non, mais Spielberg, il disait plus loin que ça. Il disait qu'il avait besoin de ça. C'est-à-dire que pour tolérer ce tournage très dur qui était la liste de Schindler, ça lui faisait du bien le soir de valider des dinosaures. Et il dit vraiment l'inverse dans le truc. T'es en train de crever, Adrien. Par contre, il va falloir boire un truc. J'ai un truc coincé dans la gorge, mais il dit vraiment l'inverse. Ah ouais. En fait, Spielberg dit. Je n'en pouvais plus de Jurassic Park, j'en avais marre de faire Jurassic Park. Oui, d'avoir des humains en fait, c'est peut-être. À force Il disait, en fait, il était sur un tournage qui était éprouvant, la liste de Schindler, et le soir, il faisait des visios pour valider des dinosaures qui marchaient et tout. Il disait, j'en pouvais plus. Ah oui, j'imagine que c'est un peu. Ouais. Disait, c'est bon, là, j'ai envie de me concentrer sur cette histoire importante. Faire déjà juste la liste de Schindler, c'est déjà un gros chantier. Ouais. Tu tapes ton autre film d'avant qui est Jurassic Park qui est genre une innovant de c'est-à-dire que les dinosaures, quand je vois en tout cas James Cameron, puisque là pour rentrer dans le truc, il y a une expo paraît-il qui commence qui est magnifique. Je crois que c'est toi qui m'en as parlé sur les dessins tout, de en fait moi je croyais que c'était surtout des bouteilles de plongée et des scaphandriers, mais en fait c'est ça, il a plus de dessins que en fait il dessine tout depuis qu'il est tout jeune. En fait il crée ses films, il fait tout sur il fait des dessins de tout, donc il expose tout à la cinémathèque. Comme des storyboards ou plus artistique ? C'est plus artistique. Il y a des storyboards aussi, mais des fois il y a des peintures, des choses. Et c'est un mood board en fait. Denis Villeneuve là sur Dune, en tout cas je regardais le travail, l'inventivité. Du il sable. Est toujours avec beaucoup un. Sable. Il a créé tous ces personnages. C'est vrai que le design est assez beau et assez dément. Moi sur Le Nul et le Roi aussi, j'ai dessiné 2-3 intersports. je me suis fait chier. Ma boucle d'oreille aussi. Ta chemise. Les motifs de la chemise ont été bossés par 14 artistes différents. Non et voilà, il y a aussi une vidéo sur Jerry Seinfeld. Enfin, c'est vachement intéressant. Le montage est hyper bien et tout. Enfin voilà, j'ai découvert ça. Donc tu connaissais ou pas ? Non, pas du tout. Je vais regarder ça parce que vu qu'en plus je sais des faux trucs visiblement. Oui, apparemment. Mais c'est vachement intéressant. Et du coup voilà. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, ouais. Génial. Moi je vais en faire une petite aussi le temps que vous cherchiez sur Apple TV+. Donc c'est sur Canal. Il y a un documentaire sur Steve Martin en deux parties. Génial. J'adore Steve Martin. Bah ouais. Et en fait, moi je savais pas qu'il avait complètement arrêté le stand-up quand il était au summum. Et après il a complètement arrêté. Et là il refait des duos avec un pote à lui, mais il a vraiment arrêté au sommet, quoi. Et après il a fait du cinéma. Et en fait la façon de faire, parce que moi je regarde beaucoup de documentaires, m'a un peu surprise. En fait c'est en deux parties. Et la première partie n'est pas faite de la même manière que la deuxième partie. C'est-à-dire que la première partie est que en voix off avec des images d'archives. Oui. Donc il y a des voix off de lui, de gens qui ont bossé avec lui, de sa femme de l'époque, les gens qui l'ont engagé en premier, etc., etc. Et la deuxième partie, c'est vraiment lui dans sa vie personnelle, où il sort ses archives, où il parle à la caméra. Génial. Et du coup, ça, j'avais jamais vu ça, alors que c'est tout simple, mais ça relance un peu même ton intérêt pour le truc, parce que c'est deux parties d'une heure 40, donc le tout dure plus de 3 heures. Ah oui. Mais c'est assez fascinant, sa vie est vraiment dingue. Et puis... t'as envie d'aimer le mec, quoi. Tu sens qu'il y a un... Il est bien d'accord que Steve Martin, c'est bien le monsieur avec les cheveux blancs qui a fait The Three Amigos. C'est ça, Three Amigos. Il a un bouquin qui est bien. Oui, sur la comédie, qui est génial. Parce que physiquement, c'est un type dément. Il s'est fait un nombre de choses physiques qui sont absolument... En fait, ce qui est exceptionnel, c'est que déjà le début... Il sait faire la quéquette à Mitterrand comme ça. Avec ses mains. Et il raconte que quand il commence, ce qui est dingue, c'est que lui, il a un humour très bête, très absurde, très gamin, très enfantin. Ouais. Au moment où c'est Lenny Bruce, où c'est le stand-up, où c'est Richard Pryor, un peu edgy et tout. Et puis qui parle de trucs très dark et qui utilise l'humour, c'est pendant la guerre du Vietnam. Donc là, et lui, il arrive avec un nez de clown et en faisant des blagues très et tout. Crazy guy. Et c'est ça. Et en gros, il bide très longtemps jusqu'à ses 30 ans et après, ça commence à marcher, etc. Et bon, je vous spoil pas tout, mais c'est assez fascinant. J'irais pas jusqu'à dire que c'est inspirant parce que je sais pas, mais en tout cas, c'est chouette à voir. C'est très chouette à voir. Génial. Et le mec est vraiment charmant. Les cadavres ne portent pas de costard et c'est là qu'il a explosé avec ça. Et il écrit. En fait, moi je savais pas, toutes ces comédies cultes de Steve Martin, il les a écrites en fait. C'était pas juste un acteur qui faisait des Three Amigos, il l'a coécrit. Les cadavres ne portent pas de costard, il l'a écrit aussi. Ah, c'est lui aussi. Il écrit les films dans lesquels il joue et c'est assez impressionnant. Donc voilà, ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous tapez Steve Martin, Apple TV, vous allez trouver. Mais c'est vachement bien. José, il y a un film, il y a vraiment un truc sur Netflix que vous pouvez voir. C'est un film qui, un film très original sur d'anticipation avec Julia Roberts. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le monde après nous, je crois. Le monde après nous. Et le truc est dément. C'est-à-dire qu'à un moment, j'essaye de pas spoiler le truc, c'est que ça se passe aux États-Unis et tout d'un coup. Il y a un problème de connexion Internet. Les gens n'ont plus de GPS, n'ont plus vraiment leurs données Internet, n'ont plus de trucs et tout. Et on voit comment les choses se transforment. Et un type a une réflexion à un moment, il se dit « Putain, c'est bizarre, mais... » Ah bah non, je peux pas vous spoiler le truc. C'est quoi, en vrai? Non. Tu peux t'arrêter là, ça donne déjà envie. Honnêtement, écoutez, c'est sur Netflix. Le casting est assez ouf. C'est dément, parce que ce que ça raconte, ça fait peur, surtout... Quand on voit un petit peu l'ambiance que l'on a en ce moment avec le nombre d'attaques, cyberattaques qu'on a, de voir comment on peut déstabiliser un peuple entier, un continent entier en très peu de temps, simplement avec les phobies des uns et des autres. Bah voilà, c'est avec Julia Roberts, Ethan Hawke, Marshall Lally, Kevin Bacon. Donc voilà, c'est sur Netflix. Charlotte, un petit film. Dis donc, il n'y a pas un petit label qui est arrivé dernièrement? Oh si. Voilà. Merci. La maison de mon père, qui est devenu un musée, a reçu un label Maison des Illustres. Ok. Et je suis hyper fière. Bah oui. Hyper fière. Mais c'est quoi Maison des Illustres? Alors ça veut dire. En fait, c'est un label, donc c'est juste. Il y en a pas mal quand même en France, mais ça montre l'intérêt du lieu et de sa carrière, évidemment, de son œuvre. Bah, il y a Balzac, Victor Hugo, et du lieu, parce que t'as quand même tapé sur le lieu, donc c'est quand même une chouette. Je suis vachement touchée que ça continue d'exister, que les gens sont contents. Trop bien. Ouais. Génial. Mais c'est pas ça. Mais après, c'est un peu tout va bien. Propre promo. Bah, non. Ouais. Mais c'est moi Gle Rosé, ça sort le 2 avril. Je dis ça, c'est dans tous les Monoprix. Non mais en plus tu dis ça comme ça. Je dis ça comme ça, je le pose là si vous avez soif. Au moment où vous allez chercher l'été revient, du bon coca, voilà. Si jamais vous avez soif, un sourire c'est un ami, il est toujours midi quelque part. Non mais avec nos enfants, on essaye toujours de leur montrer des chefs-d'œuvre. Ouais. Parce que sinon ils regardent beaucoup n'importe quoi. Ouais. Donc dernièrement, c'est pas très original. C'est pas grave. On a revu La Garçonnière. de Billy Wilder. Non, c'est magnifique. C'est quand même sublime. Tout simplement mes films préférés. Ah ouais, ça a un charme fou. Les acteurs sont des. Billy Wilder a fait des films terribles. Il a fait des films d'une violence. Le vin et les roses, avec une femme qui reste chez elle et qui boit de plus en plus. C'est un film d'une dureté. Et qui boit du rosé garçon. Ouais, ce que j'allais dire. Non, parce que si elle buvait des rosé garçon, elle serait bien avec des mariachis en train de faire la tête. Elle boit du grand rouge, peut-être même du Bourgogne. Bon, c'était la fin de l'émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'était marrant. C'était trop cool. Évidemment, on n'a pas trop parlé parce que j'en parle en long et en large à travers tout le temps dans ce podcast. Mais évidemment, mercredi, sort Nul et le Roi avec José Garcia, avec Charlotte Gainsbourg. Et c'est plus facile quand il n'y a pas 900 personnes devant moi. Mais encore, merci tellement d'être dans ce film parce que vous m'avez fait un cadeau. C'est nous. Non, c'est vraiment un cadeau formidable que vous m'avez fait parce que. C'est ce dont je rêvais. Voilà, en tout cas, moi, je suis content de voir pour la dernière fois ton appartement ici, parce que bientôt nous serons au but de Chaumont ou alors face au jardin du Luxembourg. Hein. Non, c'est gentil. Non, mais voilà, c'est une comédie. On a essayé de mettre un peu d'émotion. Là, j'ai fait plein d'avant-premières, certaines avec José d'ailleurs, et beaucoup avec Adrien. Et on a vraiment, c'est trop bien les premiers retours qu'on a. On a l'impression que ça parle aux gens. Que ça fait écho à leur vie, donc ça c'est quand même trop trop bien, et je crois que ça rigole, je crois que c'est ému. Et Adrien aussi est formidable dedans, je suis trop content. Il y a toute une génération de gens trop formidable, fort. Ça m'a beaucoup touché que vous me disiez ça, parce que vous connaissiez pas tous ces gens du podcast et tout. Non, mais c'est ce que je disais, c'est qu'en fait c'est un autre niveau encore, que c'est complètement différent même des gens qui font du stand-up, parce que vous faites du contenu, c'est-à-dire vous écrivez, vous faites tout ce qu'il y a, et vous travaillez avec la caméra, ce qui fait que vous avez un métier en fait d'acteur qui est absolument dément, ou un métier de réalisateur. Oui, tous les comédiens sont aussi scénaristes, c'est ça. En fait. Scénariste, auteur, vous jouez. Et en fait, ça, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a une espèce de dynamique qui est autre. Souvent, dans le stand-up, on travaille sur ses propres blagues, sur ses propres trucs, et quand on doit endosser un autre rôle, c'est un autre travail, en fait. Et vous, en fait, vous arrivez avec un... D'abord, ça ne vous empêche pas de faire des choses, des stand-up, des choses comme ça, mais ce qui est super, c'est que vous avez conscience aussi de l'image, et ça, c'est dément. Et je voulais vous dire aussi, est-ce qu'il y a un chat dans la maison? Oui, il y a un chat. Ouais, je commence à avoir les yeux un petit peu rouges. Alors c'est pas l'émotion. J'ai un petit zyrtec. Non, ça va aller, ça va aller. Toi. Moi aussi, je suis allergique. Non, mais moi, c'est un des trucs qui me touchait énormément sur ce film, c'est d'avoir José ou Charlotte qui des fois me disaient, mais il est très drôle lui. Et ça faisait vraiment plaisir. Tous. Mais en plus, l'esprit entre vous est quand même assez rare. Ah ouais. Ouais, d'avoir autant de générosité les uns envers les autres et tout. Oui, je trouve ça. D'être au service, du travail, c'est ça que je trouve génial. C'est ça qui est formidable. C'est pas être en train de se regarder soi, de se dire oui, mais moi j'ai besoin de ça. C'est de dire bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux essayer ça? Mais ouais, on y va. Et moi j'ai toujours aimé ça. C'est essayer des trucs, quoi. On s'en fout après du. Bah merci beaucoup. Nous les Leroy, ça sort mercredi. Il est bien ton aspirateur mural. C'est le Dyson, il est top. Le Dyson est très bien. Il est top. C'est la reco. C'est marrant. Ça pouvait être, ouais. Ouais. Mais t'as pas de Dyson, toi? Bah je le cache. Ah oui, non, moi j'en suis très fier. Parce que moi. C'est là où on voit la différence de standing peut-être. C'est ça. C'est que moi j'ai pas eu de label, si tu veux. Pour ma maison à moi. Ouais, y a pas eu de label, donc le Dyson. C'est la pièce maîtresse de la maison de mon côté. C'est le label nouveau riche, je crois. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Non, merci beaucoup, Nouvel Roi. C'est ce mercredi au cinéma. Voilà, n'hésitez pas, il y a plein de gens marrants. Allez le voir, sinon on arrête le Floodcast. Tout simplement. Mais tout simplement. Il y a Charlotte, il y a José, il y a Lily Aubry et Adrien Olmé qui sont formidables. Ils sont vraiment, vraiment super. Franchement, je le dis, c'est pas grâce à moi, donc je peux vraiment le dire, ils sont vraiment trop, trop forts. Et quand vous écrivez des articles sur le film, n'oubliez pas de les citer parce qu'ils méritent vraiment. Tout le monde m'en parle. Là, hier, on a fait une interview. Sont centrales dans ce film et on en parle beaucoup. Ils sont vraiment incroyables. Et voilà, toute une génération de gens. Sophie Marie Larouille, Adrien Méniel, Sébastien Chassagne, Benjamin Tranier, Simon Astier, voilà. Il y en a pléthore. Merci d'être venu, ça me fait trop plaisir qu'on ait fait ça. Et puis bonne soirée tout le monde, bonne journée. Ciao, bye. Ciao. Salut. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.